Chapitre 35e, séparation. Le lendemain, Harry n'allait pas mieux, mais le docteur dit qu'il n'y avait pas lieu de s'alarmer. Il souffrait d'une fièvre lente et ne pouvait dormir, et il se passerait quelque temps avant qu'il pût retourner à Londres. Le matin de bonne heure, le recteur entra dans sa chambre et lui apprit à lui et à sa mère, qui était présente, les nouvelles qui étaient venues de Clavering Park. « Hughes est revenu, lui dit-il, et ira passer son yacht le reste de l'été. » Ils s'embarquèrent tous pour la Norvège à bord du yacht de Jack Stewart. Archie part avec eux. Archie passait pour un marin consommé, familier avec les cordages, les ralingues, les mailles, les bouts d'or, a mis la main et la barre du gouvernail. Ils vont faire une partie de pêche, dit le recteur. Le yacht de Jack Stewart, dit Harry, n'est qu'un yacht de rivière, tout juste assez grand pour l'embouchure d'un fleuve, mais incapable de tenir la mer. Je ne connais rien au sujet de Jack Stewart et de son yacht, dit le recteur. Mais c'est là ce qu'on m'a dit. Quelle honte, dit Mrs. Clavering, et quel scandale. Parce qu'il s'en va, voulez-vous dire, sans doute. Et pensez qu'il l'a laissée ici toute seule. Il n'a pas de cœur. La délaissée, quand elle vient de perdre son enfant et de souffrir ce qu'elle a souffert, ça me fait rougir de mon nom. Vous ne pouvez pas le changer, ma chère. Il a ses bonnes qualités et ses défauts, mais les défauts l'emportent de beaucoup sur les qualités. Je ne lui connais aucune bonne qualité. Il ne fait pas de dettes. Il ne compromet pas la propriété et la laissera intacte à la famille. Et bien qu'il soit dur, il n'est pourtant pas cruel. Pensez à Lord Ongar et vous verrez qu'il y a des hommes pires que Hughes. Ce n'est pas que je l'aime. Je suis toujours mal à mon aise en sa présence. Il me semble toujours que nous allons nous disputer. Je le déteste, dit Harry sous ses couvertures. Vous n'aurez pas le désagrément de le voir cet été, car il partira avant qu'il soit 8 jours. Et que fera sa femme ? Elle vivra ici comme elle a vécu depuis le mariage de Julie. Elle ne fera pour elle aucune différence. Il n'est jamais avec elle. Et je suis tenté de croire qu'elle s'en trouve beaucoup mieux. Mais Abby, qu'il y a là un piège pour Archie, dit Harry. On dit qu'il s'est manœuvré un yacht, dit le recteur en quittant la pièce. Le recteur était bien informé. Sir Hugh se proposait de quitter la Tamise la semaine suivante, et ce ne fut qu'au dernier moment qu'il fit part à sa femme de son intention. Il prenait plaisir à la traiter ainsi. Il prouvait qu'il était le maître et qu'il ne se croyait tenu de donner aucune explication de sa conduite. Il entendait faire sa volonté maintenant et toujours, et sa femme le saurait une fois pour toutes. Elle n'avait plus d'enfants. Il ne lui devait plus rien que le logement et l'entretien. La maison était à sa disposition et tous les fournisseurs à ses ordres. Elle avait même à son service la vieille voiture et les vieux chevaux, si elle en avait envie. Là se bornaient les obligations qu'il avait contractées en se mariant. « Je vais en Norvège la semaine prochaine, » dit-il à sa femme. « En Norvège, Hughes. »« Pourquoi donc pas en Norvège ?»« Mes amis et moi, nous allons faire une partie de pêche. J'emmène Archie avec nous. Cela l'empêchera de dépenser son argent, ou plutôt l'argent des autres. »« Et combien de temps resterez-vous ?» Sir Hughes avait pour principe de ne jamais mentir en pareil cas. Il répondit donc avec une entière sincérité. « Je ne pense pas être de retour avant le mois d'octobre. Nous songeons à toucher les côtes de Normandie, peut-être aussi de Bretagne. En tout cas, je serai de retour pour l'époque de la chasse. Les perdrix sont devenus si rares ici qu'il ne vaut pas la peine de les chasser. Ainsi, vous allez être absent pendant 4 mois, comme vous l'avez dit. » Là-dessus, il la quitta, comptant qu'avec un peu de réflexion, elle comprendrait que toute plainte était inutile. Elle connaissait son intention et s'y soumettrait sans doute, avec quelques larmes peut-être, qui ne l'offenserait pas s'il n'en était pas témoin. Ce coup était néanmoins trop dur pour Lady Clavering, qui ne put se résoudre à le supporter sans rien dire. Les femmes supportent tout plutôt que l'abandon. Pour elle, l'abandon est pire que les mauvais traitements. Son mari la traitait comme si elle n'existait pas, ou comme si son existence était un fardeau qu'il supportait ou tâchait d'oublier autant que possible. Quand il l'eut quittée, elle s'assit et se demanda comment elle pourrait réagir contre son oppresseur. Elle n'était pas armée pour la lutte comme sa sœur, qui savait si bien se défendre et attaquer. Elle était timide, s'exprimait avec peine, se laissait volontiers abattre. Néanmoins, elle résolut de protester contre l'outrage dont elle était la victime. « Hughes, » dit-elle à son mari quand il rentra dans la pièce, « il n'est pas possible que vous vouliez me quitter pour jusqu'à l'hiver. J'ai dit jusqu'au mois d'octobre, et quand je dis une chose, c'est que je la veux ainsi. Je ne peux pas croire, Hughes, que vous serez aussi cruel. » « Écoutez, Hermione, si vous en venez au gros mot, je ne le supporterai pas. »« Eh bien, moi non plus, » je ne puis supporter votre conduite. Qu'est-ce que je vais faire? Vais-je rester seul dans cette grande et affreuse baraque? Comment trouveriez-vous cela à ma place? Je ne resterai pas ici, je vous en préviens. Où voulez-vous donc aller? Je ne veux aller nulle part, je ne demande qu'à mourir, je me tuerai, voilà tout. Bon, sans doute, vous en plaisantez. Mais qu'ai-je fait pour être ainsi traité? Ai-je désobéi au moindre de vos ordres? Tout cela vient de la mort de mon petit Hughes, mon ange. Voilà la raison. C'est bien cruel à vous. C'est indigne d'un mari, indigne d'un homme. Je ne pensais pas que vous puissiez jamais vous montrer aussi cruel à mon égard. » Elle s'arrêta et fondit en larmes. « Avez-vous fini, Hermione ?»« Non, je n'ai pas fini. Eh bien, continuez, » dit-il. Mais en réalité, elle avait fini et ne put que répéter sa dernière accusation. « Vous êtes cruel, bien cruel. Vous l'avez déjà dit. Je veux le redire encore. Je le redirai à tout le monde. Je le dirai à votre oncle du presbytère et c'est lui qui vous parlera. » « Écoutez, Hermione, je puis endurer bien des folies de votre part, parce qu'il y a des femmes qui sont folles, mais si j'apprends que vous allez faire des rapports sur mon compte à qui que ce soit hors de la maison, et surtout à mon oncle, je vous ferai voir ce que c'est que d'être cruel. Vous ne pourriez être plus dur pour moi que vous ne l'êtes. Ne mettez pas ma patience à l'épreuve, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et comme je suppose que vous avez dit maintenant tout ce que vous voulez dire, nous regarderons, s'il vous plaît, ce sujet comme épuisé. » La pauvre femme n'avait plus aucun moyen de continuer la guerre. Dans son cœur, elle la continuait. En imagination, elle sortait pendant la nuit de sa sombre demeure et allait mourir de froid dans un fossé humide, laissant derrière elle un papier où la prendrait au monde que la cruauté de son mari l'avait poussée à cette extrémité. Ou bien elle irait rejoindre Julie et la laisserait pour toujours, mais en tout cas, elle irait porter ses plaintes auprès de Mrs. Clavering au presbytère, quelles qu'en puissent être les conséquences. Le lendemain, Sir Hughes lui fit une proposition qui adoucit quelque peu l'amertume de sa situation. Il le fit de son ton habituel, avec un léger sourire, et comme s'il eût tout à fait oublié la scène de la veille. « Harry, lui dit-il, je pensais que vous pourriez faire venir Julie ici pendant mon absence. Julie, ici? Pourquoi pas? Elle viendra, j'en suis sûr, dès qu'elle me sera partie. Je n'ai pas songé à l'inviter, du moins pas dernièrement. Non, sans doute, mais maintenant vous pourriez le faire. » « Je vais aller la voir moi-même. »« Vous allez la voir ?»« Oui, les parents de Lord Ongar désirent savoir si elle se déciderait à céder Ongar Park, c'est-à-dire à vendre les droits qu'elle y a. J'ai promis de lui en parler. Écrivez-lui d'abord et dites-lui que je désire la voir et priez-la de venir ici aussitôt que possible. » »« Mais les hommes de loi ne feraient-ils pas cela mieux que vous ?»« C'est probable. Mais je suis chargé de lui présenter les excuses de toute la famille Corton. Il croit avoir été trop dur pour elle, et c'est aussi mon avis. » J'aurai peut-être à dire un mot d'excuse en ce qui me regarde. Si elle est bien inspirée, elle oubliera sa colère et viendra me trouver. » Lady Clavering était heureuse de penser qu'elle aurait sa sœur auprès d'elle, mais elle n'était pas assez indulgente pour regarder cette faveur comme une compensation pour l'outrage qui lui était fait. Elle promit de faire ce qu'on lui demandait et revenant sur ses propres griefs. « Je ne pense pas que Julie ait grand plaisir à demeurer ici toute seule. Elle ne sera pas seule si vous êtes avec elle. » dit Sir Hughes brusquement, et il sortit, comme pour habituer par degrés sa femme à son absence. Il n'était pas étonnant que Lady Clavering haït la solitude de Clavering Park, et que Sir Hughes lui-même trouvât cette résidence désagréable. C'était une grande maison carrée, en pierre, mais dénuée de tous les agréments des modernes maisons de campagne. Les jardins étaient éloignés de la maison, et le parc, désolé et plat, arrivait jusqu'aux fenêtres. Les pièces étaient hautes et spacieuses, mais n'avaient pas cet air élégant et coquet qu'il faut pour donner à la solitude quelque charme. Le mobilier en était vieux et lourd et les draperies de couleur sombre. Lady Clavering n'entrait jamais dans les pièces du rez-de-chaussée. Quand elle quittait la maison pour se faire conduire dans une vieille berline à travers les chemins de la paroisse, elle sortait par une petite porte et jamais par le grand vestibule désert que fermait la porte principale. Les volets des fenêtres étaient presque toujours clos, ce qui donnait à la demeure l'air d'une prison. « Je voudrais, disait Lady Clavering à son mari, que vous vinssiez une fois à l'improviste pour voir quel aspect funèbre a cette demeure. Je ne pense pas que vous puissiez y tenir deux jours si vous étiez condamné à y passer votre vie. Eh bien, je la fermerai tout à fait, si vous voulez. Et dans ce cas, où irai-je » demanda-t-elle. « Vous pouvez aller à Moor Hall, si vous voulez. » Or, Moor Hall était une petite maison située sur une petite propriété de Sir Hughes dans le Devonshire, au nord de Dartmoor, un des sites les plus solitaires et les plus désolés qui se trouvent en Angleterre. Lady Clavering n'éprouvait nulle envie d'aller s'enterrer dans ce manoir mélancolique. « Pourquoi n'irai-je pas à Brighton ? » dit-elle avec audace. « Parce que cela ne me plaît pas, » dit Sir Hughes. Après quoi, sa femme alla au presbytère et raconta à Mrs. Clavering toutes ses peines. Elle avait écrit à sa sœur néanmoins et n'avait pas encore reçu de réponse. Elle n'en reçut qu'après le départ de Sir Hughes. Ce fut la veille de ce départ qu'elle alla au presbytère, poussée à la révolte par la menace d'être envoyée à Moor Hall. « Je n'irai jamais que si l'on m'y entraîne par force, » dit-elle à Mrs. Clavering. « Je ne crois pas qu'il ait une pareille intention, » dit celle-ci. « Il veut seulement vous faire comprendre que vous ferez mieux de rester au parc. Mais si vous saviez combien c'est triste d'y vivre seul. « Chère Hermione, je le sais, mais il faut venir nous voir souvent, et nous tâcherons d'adoucir votre sort. Mais comment puis-je venir vous trouver ? Comment puis-je me réfugier chez mon oncle parce que mon mari m'a rendu sa maison insupportable ? Vraiment, j'en rougis. Je ne devrais pas vous dire tout cela, et je ne sais pas ce qu'il ferait s'il venait à l'apprendre. Mais il est si difficile de supporter tout cela sans en parler à quelqu'un. Parfois je songe à prier M. Clavering de lui parler et de lui dire que je ne peux plus me résigner à un pareil traitement. Cela le rendrait furieux, mais dût-il me tuer, cela vaudrait mieux que la vie que je mène. Je suis sûr qu'il n'attend que le moment de ma mort. » Mrs. Clavering dit tout ce qu'elle put pour consoler la pauvre femme, mais elle ne trouvait pas grand-chose à dire. Elle approuva fort l'idée de faire venir Lady Ongar à Clavering, pensant que Harry serait plus en sûreté que si elle était à Londres. Mais il était fort douteux que Lady Ongar consentît à venir. Elle se la figurait comme une femme dure, mondaine, en quête de plaisir pour qui la désolation du parc serait plus insupportable encore que pour sa sœur aînée. Lady Clavering se retira donc, sinon calmée tout à fait, au moins soulagée, et alla passer sa dernière soirée avec son mari. « J'ai réfléchi, lui dit-il, que je ferais mieux de partir par le premier train. Je devrais partir peu après 6 heures du matin, mais ce n'est rien en été. » Ainsi, il lui enlevait jusqu'au plaisir de déjeuner une dernière fois avec lui, si plaisir il y avait, car il n'avait pour elle aucune des attentions que les femmes ont le droit d'attendre d'un gentleman. Pendant les repas, il parlait peu. À déjeuner, il lisait un journal ou un livre. À dîner, il s'occupait moins d'elle que d'un chien favori couché à ses pieds. Elle regretta cependant la privation qu'il lui imposait, parce qu'elle aimait son mari. Elle l'aimait tout en croyant le haïr. Tout irritée qu'elle fût contre lui, quelques sujets de plainte qu'elle crut avoir, quelques désirs qu'elle eut de se révolter contre lui et peut-être de le quitter pour toujours, elle trouvait qu'il y avait là de la cruauté de sa part, à ne pas vouloir déjeuner avec elle le jour où il devait partir. Il avait annoncé son intention de déjeuner au club. Il n'avait pour cela nulle raison, sinon que ce serait plus agréable que de déjeuner avec sa femme. Elle avait essuyé ses larmes avant de descendre pour dîner. Cependant, elle était encore triste et prête à pleurer. C'était le dernier soir, et elle croyait qu'elle devait parler. Mais elle savait à peine ce qu'elle voulait lui dire. Je crois qu'elle cherchait une occasion de lui pardonner, mais lui n'avait nulle envie de son pardon. Un seul mot lui suffit pour qu'elle oubliât tous ses torts, mais ce mot ne fut pas prononcé. Il était assis en face d'elle, buvant son vin et donnant à manger à son chien. Mais il ne se montrait pas plus gracieux pour elle que d'habitude. Elle, de son côté, faisait semblant de manger, disait de temps en temps quelques mots auxquels il répondait par un monosyllabe, les pieds à la lueur de la lampe, pour surprendre sur son visage la trace d'une émotion quelconque, et enfin elle prit le parti de se taire. Le moment viendrait cependant où il devrait l'embrasser, mais ce serait une froide étreinte pendant laquelle il se bornerait à murmurer quelques mots d'adieu. Lui, quand elle fut sortie de la salle, se mit à songer à Jack Stewart et à son yacht. Ce jour-là, il avait reçu une lettre d'un noble ami où on lui disait qu'il était fou de s'embarquer pour une si longue expédition sur une si frêle embarcation. Jack n'entendait rien à la chose et les matelots loués pour l'expédition avaient tout intérêt à prolonger la durée de leur séjour en mer. De la part de Sir Hughes, c'était exposer follement sa vie que de s'embarquer dans de pareilles conditions. Mais Sir Hughes était obstiné et les Clavering n'avaient jamais redouté le danger. Archie, du reste, serait avec lui et l'entendait la manœuvre. Ce n'était pas la première fois qu'on allait en Norvège avec un aussi mince équipage. Il persista donc dans son projet et ne sut que fort peu de gré à son noble ami de ses avertissements. Quelques instants après, il reporta ses pensées sur sa famille. Qu'est-ce que sa femme avait fait pour lui pour qu'il se gênât afin de lui plaire? Elle ne lui avait pas apporté la moindre dot. Elle n'avait, par son esprit, sa beauté ou son rang, rien ajouté à sa position dans le monde. Elle ne lui avait pas donné d'héritier. Pourquoi donc consentirait-il à subir sa conversation commune et ses propos insignifiants? Peut-être éprouva-t-il, en pensant à tout cela, un sentiment momentané de compassion, un léger remords de conscience, mais il fit taire sa conscience comme il l'avait fait toute sa vie. Son parti était pris là-dessus, et il ne se laisserait aller à aucun accès de sotte tendresse. Sa femme avait maison, voiture, entretien et toilette. Que lui fallait-il de plus, à elle qui n'avait rien apporté? Là-dessus, il but un verre de xérès et se rendit au salon avec ce dur sourire sur sa figure qu'il affectait quand il voulait donner à entendre à sa femme qu'elle ferait mieux de se contenter de son sort et de ne pas se donner l'air d'une malheureuse victime. Il prit sa tasse de café, elle prit une tasse de thé et essaya une ou deux fois de glisser un mot ou deux qui puisse l'amener au sujet qui la préoccupait, leur séparation. Mais il était rusé et sur ses gardes. Elle était timide et peu adroite. Elle échoua complètement. Il était resté à peine une heure qu'elle regarda sa montre et déclara qu'il voulait aller se coucher. Le moment de la séparation était venu. Elle avait des larmes aux yeux quand elle se leva pour l'embrasser. Mais ses larmes lui échappaient involontairement et elle essayait de les dérober à ses regards. Lui se leva, alluma sa bougie et fut bientôt prêt à partir. « Adieu, Hermie, » lui dit-il en se penchant sa bougie à la main, pour recevoir son inévitable baiser. « Adieu, Hughes, que Dieu vous bénisse !» lui dit-elle en lui passant les bras autour du cou. « Je vous en supplie, ayez soin de vous. C'est bien, » dit-il. Sa position était embarrassante, et il lui tardait que ce fût fini. Mais elle avait préparé un mot qu'elle était résolue à dire. Elle avait encore ses bras sur son cou, de sorte qu'il ne pouvait se défaire d'elle sans secousse, et elle appuyait sa tête sur sa poitrine. « Hughes, » lui dit-elle, « il ne faut pas m'en vouloir de ce que je vous ai dit. »« Très bien, » dit-il, « je n'y penserai plus. »« Il va sans dire, » reprit-elle, « que je ne me consolerai pas de votre départ. » « Oh, que si !» dit-il. « Non, je vous l'assure, mais je ne vous en voudrai pas pour cela. Mais quand vous serez de retour, j'espère que vous resterez auprès de moi autant que possible. »« C'est bon, » dit-il. Il la baisa sur le front, se déroba à elle et s'en alla, en se disant que sa femme était une sotte créature. Ce fut la dernière entrevue qu'il eut avec elle avant son départ. De grand matin, elle se leva, et regardant à travers les rideaux de sa chambre éclairée par les rayons du soleil matinal, elle le vit sortir du vestibule et monter dans son phaéton qu'il conduisait lui-même. Quand elle eut cessé d'entendre le bruit des roues et qu'elle n'aperçut plus son chapeau, la pauvre femme retourna dans son lit et retrouva le sommeil à force d'avoir pleuré.